em que abri os olhos, vi teu lindo sorriso, senti teu abraço tão macio, teus beijos de carinho, tua voz a cantar. És meu porto seguro, sempre a me acalmar. Mãe querida, és meu raio-sol, teu amor é um tesouro sem igual no meu coração. Bonjour à tous et à toutes, 17h11 sur Radio Arc-en-Ciel. Et oui, vous êtes avec Manu dans l'émission Découverte de 17h à 19h. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 décembre. Et oui, moins de deux semaines avant Noël. Donc j'espère que vous avez déjà fait vos commandes, vous avez déjà envoyé votre lettre au Père Noël, parce que maintenant, ça va arriver vite. Donc voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, en tout cas, un grand merci, parce que j'ai eu des retours, beaucoup de gens quand même qui disent qu'ils m'écoutent le vendredi, même si je ne parle pas beaucoup. Ils m'écoutent, ils disent que voilà, c'est ce que je leur dis. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup à l'antenne, mais ça les gêne pas. Donc on va continuer comme ça et on va tout de suite commencer avec une chanson que j'aime beaucoup. C'est Johnny Abreu, Simple Acredite. Et oui, il faut toujours y croire. Et on commence tout de suite avec Johnny Abreu. És a razão, a minha força a viver. Tu és a luz, a minha guia, o meu ser. Se sou feliz, eu agradeço, pede a Deus todos os dias.

E no estrangeiro é sempre um forasteiro com saudades de seu lar. No coração traz a mulher que ama e que sempre amará. Aquela cara bonita e aquele corpo divino que ele nunca esquecerá. Eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar. O sol brilha forte no azul do mar. Vejo uma morena linda a desfilar. Os pés na areia, beleza sem fim. Que linda sereia olha para mim. Ei, amigos, amigos, bem bela, como é que vamos fazer? Vamos dançar, vamos curtir. E no final ela vai escolher. Ei, amigo, acho uma grande ideia. Isso vai ser divertido. Se ela te escolher a ti, eu não importo, és meu amigo. Sozinho, já me conheço. você me apareceu, me pegou, me encantou, e a gente mal se conheceu. Foi amor, foi paixão, foi tudo que eu imaginei. Foi assim, sem saber quem você era, eu me entreguei. Me diz quem é você e o que quer de mim. Me faz acreditar que vai ser sempre assim. A gente se escolheu, a gente resolveu. E junto com você eu vou até o fim. Pra que se perguntar se vai dar certo ou não? Nós temos que tentar, me diz o coração. Legal ou ilegal, isso se vê depois. Feliz ou infeliz, depende de nós dois. Assim é o nosso amor, muito louco pra se entender, muito grande pra se esquecer, cheio de coisa proibida. Assim é o nosso amor, tão difícil de se encontrar e tão fácil de se explicar. Estava escrito em nossas vidas. Foi amor, foi paixão, foi tudo o que eu imaginei. Foi assim, sem saber quem você era, eu me entreguei. Me diz quem é você e o que quer de mim. Me faz acreditar que vai ser sempre assim. A gente se escolheu, a gente resolveu. E junto com você eu vou até ao fim. Para que se perguntar vai dar certo ou não? Nós temos que tentar. Me diz o coração, legal ou ilegal, isso se vê depois. Feliz ou infeliz, depende de nós dois. Assim é o nosso amor, muito louco pra se entender, muito grande pra se esquecer. Cheiro de coisa pro nossas vidas. Eu tenho um carro que é antigo, sim senhor. Há muitos anos que é minha companhia. Vivemos juntos mais de mil recordações. Os desgostos e paixões faz parte da nossa vida. Sempre faço, ai, toda a gente me diz: tens que comprar um carro mais atualizado. Mas as mulheres acham que é original, todas querem passear, eu fico todo babado. Meu carro antigo eu não troco por nenhum. Outros dizem que eu tenho que mudar. Meu carro velho não é um carro qualquer. Tem cheirinho de mulher, muitas histórias para contar. Meu carro antigo eu não troco por nenhum. Outros me dizem que eu tenho que mudar. Meu carro velho não é um carro qualquer. Tem cheirinho de mulher, muitas histórias para contar. Tenho

amor é a magia da estação. Paisagens bonitas de muita paz, com luzes que trazem a emoção. Vamos cantar e a todos chegar com a nossa mensagem de Natal. Muitas prendas a chegar. que grande confusão. Toda a gente ficou louca a dançar no escurinho. Ai, ai, ai, já estava nos braços de outra. Uma miúda pra ir pra danceteria. Estávamos tão animados para ir dançar até o romper do dia. Mas houve um engraçadinho que pôs tudo a delirar. Deixou tudo no escurinho e eu perdi o meu pai. Mas que grande confusão. A gente ficou louca a dançar no escurinho. Ai, ai, ai, já estava nos braços de outra. Mas que grande confusão. Ninguém quis ficar parado a dançar no escurinho. Ai, ai, ai, já tinha outra ao meu lado. Uma miúda para dançarmos bem juntinhos. Estávamos tão animados e à meia-noite queria lhe dar uns beijinhos. Mas houve um engraçadinho que pôs tudo a delirar. Deixou tudo no escurinho e eu perdi o meu pai. Mas que grande confusão. Histórias de então me faz-me lembrar um passado, um tempo dourado que não volta não. Me faz-me lembrar um passado, um tempo dourado que não volta não. Passado belo, colorido, e amores, loucuras, penas que não saem do sentido, sonho vivido que não volta mais. Que não saem do sentido, sonho vivido que não volta mais. Já lá vai. nas páginas do meu canhanho, esse que nunca escrevi. Só eu memória mantenho, lembranças de empenho que nunca esqueci. Só eu memória mantenho, lembranças de empenho que nunca esqueci. Saudades tenho de droga, das coisas próprias da idade. Lembrando tudo isso agora, minha alma chora pela mocidade. Lembrando tudo isso agora, minha alma chora pela mocidade. Tanto assim, ai, ai, ai. Obrigado. C'est Karina, est sans fog de vista. Et là, on va se réécouter donc Luis Manuel, Sexta Feira Noite. Donc, vous connaissez déjà tous ce titre et cet artiste. C'est le générique de mon émission. Et c'est un monsieur Bernardino qui me demande. Apparemment, il adore cette chanson. Donc, comme il n'a pas entendu le générique au début, il m'a demandé si je pouvais y repasser. Bien sûr, on va y repasser pour monsieur Bernardino. Et le titre de la chanson, c'est Sexta Feira Noite. Et c'est de Luis Manuel. On écoute. Sexta-feira já chegou, é tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São três dias de prazer que eu vou ter. Sexta-feira à noite, lá vou eu. Voilà, c'était Luis Manuel, Sexta Feira Noite. Et c'était pour notre ami Bernardino qui nous écoute et on lui souhaite un bon week-end à lui. E on poursuit avec o Carl Sutelo, A Senhora da Luz. Sim, duvido que consigas comer.

vem só. Cheira a lua, cheira a Lisboa, cheira bem. Eu já tenho sol, mas cheira a lua, cheira a Lisboa. Chilesso Musical, vlog de pura novidade. Je vois des choses dans tes yeux. Je t'offre des roses sur le ciel, sur de la proche ou ta peau. Tu es la cause de mes maux. Tu es une femme des amours. Tu es saudade, Senhor. Nenhum de nós quer perder. E ninguém quer ficar só. Doce mãe, chungi. Ao far com mim, que sou né. Je suis comme un apprenti. Je l'ai un patient. Je te veux du lundi au dimanche. Je meurs comme un enfant. Oh mes peu importe où on ira. Bali, Bali, Lisboa. Je suis bien que je suis avec toi. Oh mes mains, nous y portons les vaches. Mais on a vu la télé. Quero estar ao pé de ti. Oh, l'Amazon, moi la faute. C'est le cartogène si je faute. Que Dieu pardonne mes fautes. Je ne suis qu'en toi l'émeraude. J'ai la tête de parfois à la veine. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieuse. T'es trop mystérieuse. T'es ma flamme, mon César. Meu amor, minha paz. T'es le premier roté, mi vida. Dans le sol, un beijo. Je te vois la vie au dimanche. La mêlée, la mêlée, la mêlée, la mêlée, la mêlée. você me rouba em filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ame. Eu duvido no calor dessa cama. Eu duvido que seus sonhos não chamem por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito, seu desejo sou eu. Acredito, toda a briga de amor é assim. Eu duvido que você não me ame. Eu duvido no calor dessa cama. Eu duvido que seus sonhos não chamem por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito, seu desejo sou eu. Acredito, toda a briga de amor é assim. Olá, é o Marquito na Rádio Arco-Íris. Amor orgulhoso. 96.2. Fica atento. Na Rádio Arco-Íris. Et oui, voilà, voilà, il est 18h24 sur Radio Arc-en-Ciel, bien sûr, bientôt la fin de l'émission. Mais avant, voilà, je viens de recevoir un invité dans le studio. Il va se présenter, mais je pense que vous allez tous le reconnaître. Au revoir, muito boa tarde. Bonjour, bonsoir Lionel, comment vas-tu? Toujours en pleine forme. Voilà, toujours fidèle aussi au poste, voilà. Lionel, c'est quelqu'un qui me rend visite pratiquement tous les vendredis. Tous les vendredis, il vient c'est me rendre un visite. Rituel, là, on va dire. Voilà, il vient me voir dans mon émission. J'avoue que je lui rends pas l'appareil parce que le dimanche, je viens rarement le voir. Donc, Lionel, puisque t'es là, on va parler d'un sujet qui intéresse tous nos auditeurs. Surtout nos adhérents. Nos adhérents. Voilà, plus nos adhérents parce que, bien sûr, faut être à jour dans les cotisations. Pour l'assemblée qui va y avoir lieu dimanche. Dimanche prochain, on sera le 14, quoi. Après-demain. Ouais, après-demain, donc ici, dans la salle des fêtes de Radio Arc-en-Ciel. Et pourquoi qu'on veut vous en parler? Parce que c'est quand même important que, justement, les gens, les adhérents, qui sont à jour dans leur cotisation, soient présents. Donc, pour venir voter, il faut être à jour de 2025, voilà. Alors, les nouveaux adhérents pour 2026, eux, n'y ont pas le droit encore, donc ça sera pour l'année prochaine. Et pourquoi que c'est important, je pense, que les gens soient, qui viennent pour montrer qu'ils s'intéressent aussi à la radio. Oh, c'est quoi l'assemblée? On parle de quoi dans notre assemblée? On est là pour répondre à toutes les questions pratiquement. Et nous, Mais surtout pour présenter nos comptes annuels. Voilà. Les projets, tout ce qui s'est passé dans l'année passée, ainsi de suite. Le projet de Radio Arc-en-Ciel. Tout à fait. C'est tout ce qui a été fait dans l'année qui est passée et les futurs projets aussi. Hein. Et puis il y a aussi des élections. Normalement, il y a des élections. On va savoir que tous les ans, il y a 3 sortants et trois autres qui rentrent. Donc voilà, il y a les mêmes. Ils peuvent se présenter. Les mêmes. On peut avoir d'autres candidats. C'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Là, je pense que c'est un peu tard parce qu'il fallait s'inscrire. C'est trop tard. C'était juste jusqu'à lundi. Il y a eu tous les courriers qui ont été envoyés, voilà, à nos adhérents 15 jours, 3 semaines à l'avance. Pour qu'ils puissent postuler. C'est postuler parce que voilà, à savoir que comme je vous dis, on a un conseil qui est composé de 9 personnes. Chaque année, il y a 3 sortants, un tiers renouvelé. Donc, quoi. Voilà, c'est ça. Donc tous les années, il y en a 3 qui sortent, 3 qui rentrent. Donc comme on disait Lionel, les 3 sortants peuvent se représenter. Donc voilà, il peut y en avoir 5, 6. Après, s'il y a 6, 7 candidats, c'est les votes des adhérents qui va élire les nouveaux membres tout du conseil. Fait. Et aussi, donc, il y a ça. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est le moment où, si vous avez des questions à poser, c'est le moment là de les poser, les questions. On expose tous les comptes sont détaillés. Comme ça, vous savez exactement l'argent qu'il y a. Un expert comptable. Il y en a un expert, bien sûr. Et ça a été fait par, et les comptes sont faits aussi par un expert comptable qui sera présenté, alors, qui nous sera présenté par une personne qui nous, il expliquera bien tous les détails des comptes. Donc c'est, tout est mis au jour. Et c'est ce que, comme on disait, c'est le moment. Bah, je sais qu'il y a des gens souvent en dehors de ces réunions qui nous posent des questions, Et je, comme on leur dit, bah écoutez, on a une réunion une fois par an. Bien sûr, on peut répondre à certaines questions durant l'année. Ça, il y a pas, c'est pas un souci. Mais là, c'est vraiment l'occasion. Et puis, c'est spécialement pour les adhérents. Et c'est que pour les adhérents. Franchement, c'est que pour les adhérents, encore une fois, qu'ils soient à jour. Et c'est aussi une façon de voir, parce que des fois, on ne les connaît pas, nous, les adhérents, comme eux, ils ne connaissent pas non plus la plupart des gens du conseil, quoi. C'est l'occasion aussi de se voir. Et puis, bien sûr, à la fin, il y a le petit verre d'amitié, voilà, entre nous. Mais moi, pour moi, je trouve que c'est important que les personnes qui soient... Et puis, nous, conseil d'administration, on est content que les gens qui sont adhérents, bah, qui viennent et qui participent aussi dans, qui nous donnent des idées. Des idées. Tout à fait. Parce que. Il y a des fois des idées qui sont réalisables, d'autres pas. Tout à fait. On essaie toujours. Mais au moins, on écoute tout le monde, voilà. De toute façon, on est là aussi pour ça, pour les écouter. Et alors, c'est vrai, on nous dit des fois, bah oui, nous, du moment qu'il y a de la musique. Ouais, mais c'est pas que ça. Vous savez, la musique, on peut vous en mettre 24 heures sur 24. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, avec les playlists, tout ça. Mais le contact aussi, c'est important. Enfin, ça a toujours été. Avant, c'était autrement. Ouais, mais bon, le contact. Maintenant, c'est la facilité. Parce qu'on a investi, justement. Il y a les investissements que tous les ans on fait dans le matériel. Du matériel, dans certaines, et c'est aussi. Et que nos adhérents, ils sachent. Ouais, pas l'argent. Tout à fait. C'est pour ça, quand on vous demande d'être adhérent, vous voyez, des fois on vous demande, c'est, alors être adhérent pour à la radio, c'est 20 euros par an. C'est pas excessif non plus, vous voyez. Mais voilà, c'est une association sans adhérents, c'est pas une association. Voilà, tout à fait. C'est une association. C'est fait pour ça aussi, pour avoir des adhérents. Et puis voilà, ça aide la radio aussi. Puis ça, vous participez à la vie de la radio. Vous pouvez participer en étant adhérent. Bah, comme je vous dis, on a des événements qui sont organisés tout au long de l'année. Et bah être adhérent, il y a des petites remises. Alors bien sûr, faut pas s'attendre à des grosses remises. Bah, il y a des remises qui c'est gratuit comme la galette. Hein. La galette, voilà. Tous nos adhérents sont invités. Je ne me rappelle plus de la date, mais c'est le 26 courant janvier. Ouais, fin janvier, tout ça. Il y aura la galette avec un petit verre d'amitié de cidre voilà. Ou autre chose. Hein. Un petit peu de musique. Alors je crois qu'il y avait marqué aussi. Alors, par contre, on ouvre aussi aux non-adhérents, moyennant 5 euros, je crois. Je crois qu'il y avait marqué ça depuis 2-3 ans, on fait ça, et c'est pas mal, parce qu'il y a des gens qui veulent venir, bah, ils peuvent, hein, voilà. Je crois que c'est 5 euros, l'entrée pour la galette. Mais pour ça, il faut s'inscrire. Mais il faut s'inscrire. Par contre, c'est sous inscription. Ouais. Donc voilà, encore une fois, on lance cet appel. Essayez de venir nombreux, dimanche. Donc voilà, c'est à 10 heures. Si vous êtes adhérents, à partir de 10 heures, les portes. La salle Espace Arc-en-Ciel est ouverte. Voilà, c'est au 266 Faubourg Bagné à Fleury-les-Aubrais. Mais bon, j'espère que nos adhérents, ils ont tous reçu leur petit courrier. Alors, s'il y a des gens qui savent qu'ils sont à jour et qui n'ont pas reçu leur courrier, c'est possible. Par une raison que vous pouvez venir. A été détourné. Voilà. Si vous voyez que cette année, on a envoyé aussi par mail pas mal. On a envoyé c'est par mail. Mais il y a des années, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont rien reçu. Donc, si vous n'avez pas reçu de courrier, mais si vous êtes à jour, venez, vous serez accepté. Parce que nous, on a une liste des adhérents qui sont à jour, on contrôlera. Donc, si vous n'avez pas reçu de courrier d'invitation, vous pouvez venir du moment que vous êtes à jour dans votre cotisation pour 2025. Logiquement, tout le monde a dû le recevoir. Normalement, tout le monde a... Mais il peut y avoir une ou deux failles, des fois aussi, au niveau de la poste, hein, ça peut arriver. Mais bon, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de courrier, mais par contre, vous avez votre carte d'adhérent, donc venez bien avec votre carte d'adhérent. Venez avec votre carte, c'est important, parce qu'on va vous retrouver aussi avec votre numéro d'adhérent. Bon, bien sûr, il y a le nom, mais avec le numéro, ça va plus vite. Donc, apportez votre carte. Ça, c'est un gagne-temps. C'est pour un gagne-temps pour... Et vous pouvez renouveler tout de suite pour l'année 2026. Hein. C'est aussi l'occasion. Beaucoup de gens viennent aussi et renouvellent leur adhésion pour 2026 à ce moment-là. Et vous qui n'êtes pas adhérent et qui êtes à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel, bah, vous pouvez devenir adhérent pour 2026. Hein. C'est important. Alors, je sais qu'aujourd'hui... On nous a dit, oui, il n'y a pas de balle, ni rien. Alors, on a expliqué plusieurs fois sur cette antenne pourquoi qu'il n'y avait pas de balle. Alors, on a compensé avec des petits repas, des soirées animées ici au sein de la radio. Mais pourquoi qu'on n'a pas eu de balle? Parce que la salle qu'on a l'habitude de louer à Montition, c'est ça, Montition, elle a pris feu. Et malheureusement, vous savez comment que ça se passe avec les assurances, ça a mis beaucoup de temps pour qu'ils se mettent d'accord. Mais. Logiquement, à partir de 2027. 2027. Donc il commence ses travaux là. Mais on a quelque chose de prévu pour le fêter le 25 avril. Oui, normalement. Normalement, tout est en train de se mettre en place pour qu'on puisse faire une grande soirée. Ah, ça va se réaliser à la passerelle, hein. Alors moi, je m'avance pas encore trop là-dessus. On travaille sur un projet. Maintenant, voilà. Normalement, oui, ça peut être, je crois que c'est peut-être en mois d'avril. 25, hein. Oui, ça doit être, je crois que cette année, ça tombe le jour pile. Voilà. La révolution des œillets. Hein. Donc, toutes ces choses-là que nous, on fait, pour organiser, on le fait aussi pour vous. Donc voilà, c'est nous qu'on voit, plus on a des adhérents, ça nous encourage. Nous, ce jour-là, la direction et ceux qui participent, les bénévoles, on s'amuse pas. On s'amuse à notre manière. Moi, je dis, bon, il y a beaucoup de boulot, mais bon, on va dire, c'est du boulot agréable. C'est quand il y a une bonne entente, une bonne convivialité entre nous, c'est très agréable. Donc voilà, on a des projets. Maintenant, vous, de votre côté, faites voir aussi que vous y êtes intéressé, parce que bien sûr les gens ils écoutent la radio, mais souvent. Faut dire que dernièrement les gens dès qu'on fait une manifestation, les gens ils adhèrent. Quand on a fait aussi bien Georges Frey que le cowboy Zermatt, on a été obligé pratiquement de fermer les portes. On a à un moment. Fête de la Saint-Jean, c'est une marée de monde. Et vous avez vu les prix qu'on a mis, c'est des prix que vous payerez pas ça ailleurs. Vous payerez plus cher. Donc, on essaye toujours de maintenir les prix les plus bas. Pour que les gens, ils adhèrent. Alors, moi, une fois, on m'a dit, oui, pourquoi vous faites pas venir ça? Je dis, ouais, c'est bien, mais il faut de l'argent. Et j'ai posé la question, vous êtes adhérente? Elle dit, non. Vous voyez, si tout le monde n'est... Alors, bien sûr, c'est pas parce que vous avez 2-3 adhérents de plus que ça va tout de suite. Mais c'est c'est le principe. Et nous, on voit plus il y a d'adhérents, plus on voit que les gens s'intéressent. Mais je sais que les gens s'intéressent à la radio, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Les gens, écoutent la radio. Moi, beaucoup de gens que je croise dans la rue tous les jours au quotidien, pratiquement, de temps en temps, ils me disent, j'écoute telle et telle émission, vous voyez, c'est pas parce que les gens, ils appellent pas qu'ils nous écoutent pas. Mais donc, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir, et je peux vous dire que ça... Et là, ils vont plus t'écouter parce que je suis là et on parle de trop, et d'habitude, tu parles presque non, pas. Non, moi, c'est ce que je dis, parler tout seul à un micro, je sais pas, j'ai l'impression d'être un robot. Vous savez, quand vous appelez sur le téléphone et vous tombez sur les robots, moi, c'est la même chose. On passe à la musique, après on va passer peut-être. Pour la musique, on reviendra juste avant la fin pour reparler un petit peu, justement, de ça. On écoute Marcus et Mouya Damiavida. Donc, on écoute Marcus. Sozinho em casa, ela me liga e me pergunta se pode passar lá. Está carente, precisa de carinho. Eu sou o homem que ela quer se entregar. No dia a dia ela trabalha pra caramba. Ela não gosta de balada e de bar. Prefere ver um filme aqui no meu sofá. Dormir de conchinha depois de me amar. Que mulher é essa? Louca e atrevida. Que mulher é essa? É a mulher da minha vida. Que mulher é essa? Que adora colo. Que mulher é essa? É ela que eu adoro. Eu adoro. Adoro. Ela me liga e me pergunta se pode passar lá. Está carente de carinho. Eu sou o homem que ela quer se entregar. No dia a dia ela trabalha pra caramba. Ela não gosta de balada e de bar. Prefere ver um filme aqui no meu sofá. Dormir de conchinha depois de me amar. Que mulher é essa? Louca e atrevida. Que mulher é essa? É a mulher da minha vida. Que mulher é essa? Que adora colo. Que mulher é essa? É ela que eu adoro. c'était Marcus Mulher de Minha Vida. Et là, on va poursuivre avec un groupe de jeunes. Là, alors, j'en ai déjà parlé. Je m'intéresse beaucoup à eux parce que j'adore ce qu'ils font. C'est Os Damas. Je sais pas, tu connais un petit peu là. Disons, ils ont revisité plusieurs chansons anciennes. Tout à fait. Ils ont revisité avec un rythme un peu plus moderne. Hein, voilà, c'est un groupe de pop, hein, et avec des musiques comme là, ils ont fait avec Osé Amar, ils ont fait une chanson avec Osé Amar, avec Kouaya Agatha. Agatha, voilà. Et du coup, et là, je les ai retrouvés là un titre à eux. J'ai aimé, c'est différent de ce qui changeait. Ah bah c'est de la pop, hein. C'est, ouais, voilà. Et en plus, c'est trois copains qui se connaissent depuis très très longtemps. Le groupe, il a été, je crois, formé en 2014, un truc comme ça. Oui, ils étaient un peu dans les oubliettes. Dans ils les sont oubliettes. Revenus il y a 2-3 ans. Voilà. Et là, j'ai trouvé ce titre. Et c'est revenu parce qu'il y a un garçon des Douze Dames qui a fait un reality show. Ouais, je crois que c'est Miguel. Le nom, je m'en rappelle. Alors, il y en a deux qui s'appellent Miguel. Hein. Il y en a deux Miguel et l'autre, je ne sais non, pas. Tu risques pas. Il y en a deux. Ouais, c'est leur nom de famille, je ne connais pas. Donc, ça l'a remis en selle, quoi. Pour. En tout cas, là, j'ai une chanson, voilà, à présenter ce soir, à passer sur notre antenne, parce que je l'ai écoutée par hasard et j'ai aimé. Ça change un petit peu de ce qu'il faisait dernièrement avec justement Osé Amar et Agathe. Et on va écouter. Ça s'appelle Amor d'Agua Fresca. On écoute. Eu vi olhos de ameixa e na boca mora silvestre. Tanto mel, tanto sol nessa tua madeixa. Prefiro sumarento e agreste. Foi a certeza que eras tu. O meu doce de uva e não sobremesa. O amor de morango e carne. Peguei, tinquei e meti-te na cesta. Riso e dá-me a volta à cabeça. Vem cá, tenho sede. Quero o teu amor de água fresca. Peguei, tinquei e meti-te na cesta. Riso e dá-me a volta à cabeça. Vem cá, tenho sede. Quero o teu amor de água fresca. Tens na pele. Travo a laranja e na boca três gomos de riso. Ai, é Miguel. Tanto mel, tanto sol, fruta, sumo, água fresca. Provei, perdi o juízo. Ai, foi de manhã acesa em ti. Abacate, abrunho e a pera francesa. Uma framboesa que vi. Peguei, trinquei e meti-te na cesta. Vem cá, tenho sede. Quero o teu amor de água fresca. Peguei, trinquei e meti-te na cesta. Riso e dás-me a volta à cabeça. Vem cá, tenho sede. Quero o teu amor de água fresca. Foi de manhã acesa em ti. Abacate, abrunho e a pera francesa. Uma framboesa que vi. Vem cá, tenho sede. Quero o teu amor e água fresca. Peguei, trinquei e meti-te na cesta. Quis ir dar uma volta à cabeça. Voilà une chanson de dame, Amour d'Agua Fresca. Donc Manu, voilà. Manu, c'est devenu un spécialiste de la musique portugaise. J'adore. Hein. Et derrière, il y a aussi une reprise du Prince Tuga, au Burrito. Tu te rappelles cette chanson? Oui. C'est une reprise. Elle est pas mal aussi, celle-là. Fernando Croix et Marx qui a fait la version originale. Et là, ça a été repris, mais j'adore. Il faut écouter les paroles. J'emmène en balade ma jolie princesse. Elle a tout ce que j'aime, elle a tout ce que j'aime. Elle aime un gros bolide, ma Clio RS. Elle veut Mercedes, Audi ou BM. J'aime la voir danser, je veux la voir bouger. D'abord, je paye le resto, ensuite la butée. Elle me regarde quand les morts s'élèvent. Je me sens célèbre, elle est comme au soleil. J'aimerais la voir tous les jours au réveil. Un temps pour nous, au cœur à cantar. Quand je veux voir aquel amour, meu. Je pego no meu Clio et la vois, eu. Et quand je veux voir aquel amour, meu. Je pego no meu Clio et la vois, eu. Quand je veux voir aquel amour, meu. Je pego no meu Clio et la vois, eu. Et quand je veux voir aquel amour, meu. Je pego no meu Clio et la vois, eu. Et la vois, eu. Pour toi j'en ferai, je l'appelle à toi. J'ai mis ma chemise, que je mets à l'église. On va pas mis, on va bien rigoler. Tu veux le sac et la robe Chanel. Si tu prends ce que tu veux, c'est l'entreprise qui paye. Elle me regarde quand elle mord ses lèvres. Je me sens célèbre, elle est comme mon soleil. J'aimerais la voir tous les jours au réveil. Ton bon nom au cœur à cantar. Quand tu quero ver aquel amor meu. Eu pego no meu clio e la vou eu. E quando quero ver aquel amor meu. Eu pego no meu clio e la vou eu. Quando quero ver aquel amor meu. C'était au Prince Tout de Burrito, une reprise justement de ce que tu disais tout à l'heure. De Franco e Max. Tout à fait. Et là, on va réécouter Dame avec José Amar. Regarde la différence par rapport à tout à l'heure. Oui, c'est un rythme. Eu vi passar uma andorinha. Acho que veio anunciar a primavera. Vou dizer que dia tu has de ser minha. Eu fico aqui. mas eu quero que me dê. Dá-me um da dois da três. Natal, hein, Lionel? É Natal, portanto, se é Natal, agradecemos por caminhar connosco, que o seu Natal seja repleto e que o ano novo repleto de oportunidades também. Portanto, é a mensagem que deixamos aqui para que seja um Natal muito feliz e que o ano novo que venha, que seja também um ano novo cheio de oportunidades. De alegria. Para, e oportunidade, boas oportunidades para todos os nossos ouvintes, não é? Tout à fait. Donc, en tout cas, t'as tout dit? T'as tout dit, t'as parlé aussi pour moi, voilà, pour que les gens, voilà, se retrouvent souvent, c'est en famille, Noël, c'est familial. Malheureusement, il y a plein de gens encore qui se retrouvent tout seuls. Devant plus une assiette. Voilà. Donc, du coup, on est de tout cœur avec ceux qui sont tout seuls. Et puis, malheureusement aussi, les petits trucs de la vie qui fait que des gens. Il y a des gens qui se retrouvent à l'hôpital. Voilà, qui peuvent pas penser. Et on a une pensée plus forte pour ces gens-là qui vont passer une journée. Noël, ça devrait être tous les jours. Malheureusement, c'est pas comme ça. Ouais. Et mais Noël, c'est familial. C'est là où justement la famille se réunit et c'est une journée de joie. On va dire ça. En tout cas, on maintenant, souhaite... c'est plus une journée matérielle. Il y a plus ces cadeaux, tout ça. Avant, non. Moi, je me rappelle mon Noël. Mon Noël à moi, c'était quoi? C'était au bacalhau cuisine, quoi, je batate. Mais moi, la coutume, je la suis toujours, moi. Et ça, c'était Noël. Et après, il y avait le matin, on se réveillait, on laissait notre petite chaussure à la cheminée. On se réveillait, on avait quoi? On n'avait pas grand chose. Non, moi, mes souliers, il y avait des épines des gâteaux, il y avait des épines de sapin. Des bonbons, des oranges, des trucs qu'on avait. Il était généreux pour toi. Moi, il y avait des épines de sapin dans les souliers, moi, qui tombaient de la nuit. Non, mais comme quoi. On avait un cadeau. On avait un cadeau et on était très très contents. Moi, je me rappelle moi, c'était une fois mon cadeau. Je crois que c'était peut-être mon premier cadeau de Noël j'étais encore jeune. Un livre de Tintin. C'était j'étais heureux comme tout. Comme c'est quoi, des fois? Juste un livre. Aujourd'hui, aux enfants, tu leur donnes, souvent 7, 8, 10 cadeaux, et souvent, ils sont même pas contents. Pour moi, c'est plus Noël, ça. Non, c'est plus Noël, c'est ça. Un cadeau, ça suffirait normalement. En tout cas. Et malheureusement, dans le monde, il y a encore beaucoup d'enfants qui n'ont même pas à manger ce jour-là. C'est ce qu'on dit à nos enfants. Estimez-vous heureux. Vous avez un toit. Vous êtes au chaud. Vous avez de quoi manger. Vous avez des cadeaux. Mais il y en a d'autres qui n'ont rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Et justement, c'est peut-être aussi l'occasion d'avoir une pensée pour ces gens-là, ce jour-là. Parce que malheureusement, vous voyez, la vie n'a pas souri à tout le monde. Tous ces pays qui sont en guerre actuellement. Actuellement, oui. Ça fait mal au cœur. Ça nous détruit. Espérons que 2026, ça va être une année de paix. Et c'est ce qu'on souhaite. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Mais on aura l'occasion, justement, de souhaiter nos vœux avant la fin de l'année. En attendant, Noël, c'est dans moins de 15 jours, de toute façon. Et dimanche, c'est notre Assemblée Générale. Voilà, dimanche, n'oubliez pas, à 10h, au 266 Faubourg Bagné, c'est-à-dire dans notre salle des fêtes de la radio. Juste en dessous des studios. Juste en dessous des studios. Donc, venez nombreux, les adhérents qui sont à jour pour 2025, pour qu'ils participent justement s'il y a des votes, voilà. Et puis qu'ils participent bah, aux questions. Bah, il y a un moment où on donne la, la parole bah, À l'Assemblée, oui, aux personnes de l'Assemblée. Ils peuvent poser leurs questions. On est là pour répondre hein, quand c'est possible, bien entendu. Bien sûr. Comme disait Lionel tout à l'heure, on est là pour dire tout ce que Radio Arc-en-Ciel a fait toute l'année, de l'argent, des investissements, des projets qui ont été faits et des projets à venir. On est là pour parler de tout ça. Donc c'est là, c'est le moment de nous poser les questions. Voilà, en tout cas, on compte sur vous. Alors juste après, bien sûr, ça va se terminer une bonne heure à midi, pas minuit, hein, midi. Là, c'est l'heure l'apéro, toujours avec modération. Non, il y aura le verre de l'amitié à la fin. Et c'est la maison Mariano qui nous offre tous les ans, qui nous offre justement le verre de l'amitié. D'ailleurs, on compte sur eux, hein, la maison Mariano, s'ils nous écoutent. Hein. Oui, bien sûr qu'ils nous écoutent. On leur passe déjà, bah, on leur remercie au nom de la radio. Hein, pour et surtout, actuellement, il faut y aller, hein, parce que oui, ils ont des grosses promotions pour les fêtes. Hein. Il y a des promotions justement pour les fêtes de Noël et de fin d'année, donc n'hésitez pas, allez-y, je crois que c'est jusqu'à la fin du mois, hein, jusqu'à fin décembre, n'hésitez pas, vous pouvez aller à l'établissement Mariano, et je sais qu'il y a du 5 et du 10% de remise en fonction de vos achats, donc n'hésitez pas à y aller. Donc Lionel, nous, mon émission se termine, il est 18h59, eh oui, ça passe vite, voilà, donc moi je vous donne rendez-vous déjà à la plupart de vous tous, à dimanche, à l'Assemblée. Donc, il n'y aura pas de téléphone sonne, ça sera une playlist, hein, occasionnellement. Bon. Mais ce mardi-là, j'ai pas pu être là. Mais tu seras mardi prochain, d'accord. Là, juste après moi, bah, c'est Mavrika avec Albino, hein, c'est son émission de Mavrika. Demain matin, je crois qu'il y a Mathis et Philippa. Je crois qu'ils sont là. Les petits jeunes de Radio Arc-en-Ciel. Les petits jeunes, les nouveaux qui ont intégré la radio. Le futur de Radio Arc-en-Ciel. Le futur, voilà. Oui, on disait tout à l'heure qu'il faut venir. Ben voilà, deux petits jeunes qui sont arrivés là et qui ont l'air de s'y intéresser. Et qui s'y intéressent, c'est parce qu'ils ont l'air. Moi, c'est ce que je dis, c'est pas toujours évident s'intégrer dans un groupe qui est là. Qui est là depuis longtemps, on peut le dire. Donc, c'est bien de venir. Ils ont l'air de bien s'intégrer et ils font des belles choses. Et on compte sur eux parce que c'est l'avenir. Eux, c'est l'avenir. Nous, on commence à vieillir. Il est peut-être temps qu'on laisse nos places, ça, quand même. En attendant, écoutez, voilà, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure de 17h à 19h. Mais on va terminer avec une chanson qui est, voilà, c'est le générique de l'émission Découverte. Je sais qu'il est demandé, donc la personne qui me le demande va se reconnaître. On termine avec Sesta Fe la Noite de Luis Manuel. Allez, c'est parti. Sexta-feira já chegou, é tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São três dias de prazer que eu vou ter. Sexta-feira à noite, lá vou eu. joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Quand il est tard,